Vous êtes maigrichon et tout le monde se moque de vos petites cannes blanches. Vous aimeriez avoir le corps de Cristiano Ronaldo et l'intelligence de jeu de Zidane. Vous voudriez être aussi puissant que Teddy Riner et avoir l'endurance d'un Christopher Froome. Vous souhaiteriez avoir l'agilité d'un Christian Slater et la grâce de Nadia Comaneci. Eh bien, sors de ton canapé et bouge-toi, espèce de grosse feignasse. C'était un message des sportifs associés contre les buveurs de bière devant leur télé. Ça va pas la tête ?